35e chapitre Pressentiment. On ne saurait exprimer quel coup terrible cette nouvelle porta à La Fontenelle. Le dépit qu'il en conçut fut tel qu'un moment son frère craignit pour sa raison. En effet, tantôt sombre et abattu, on le rencontrait marchant pas à pas à travers la campagne comme un homme prêt à succomber sous le poids de sa douleur. Tantôt son irritation devenait si violente qu'on l'entendait proférer les injures les plus offensantes et les menaces les plus horribles contre la personne du roi. Alors, dans la fureur qui le dévorait, il se reprochait d'avoir fait sa soumission lorsqu'il pouvait encore essayer, avec quelque chance, de résister aux armes royales. Cette grande colère s'apaisait quelquefois devant les justes remontrances du baron qui lui objectait avec raison l'inutilité de son désespoir et de ses regrets. La Fontenelle ne demeura qu'une semaine à Beaumanoir, et ce court séjour au château paternel lui fit du bien. En sortant de chez son frère, il se sentit beaucoup plus calme et plus résigné. Il avait renoncé à se rendre à Paris. Quelques jours après, il était donc à Croix des Landes dans les bras de Marie, qui lui racontait la trahison et le départ de la boule. Pendant le voyage de son gendre, Madame de Mézarnoux était restée tenir compagnie à sa fille, et en ce moment encore, elle était à Croix des Landes. « Misérable la boule !» s'écria Guéder hors de lui. « Voilà donc quelle est ta reconnaissance pour les honneurs et les bienfaits dont je t'ai comblé. Oh, pourquoi ai-je accepté la démission de De Romard ? C'était à cet officier, aussi dévoué que fidèle, qu'il appartenait de me remplacer à Douarnenez. » « Du courage, mon ami !» dit Marie en enveloppant La Fontenelle de son tendre regard. « Il faut oublier ce malheur, puisqu'il est sans remède. D'ailleurs, vous me l'avez dit, l'île Tristan était devenue pour vous un séjour désagréable et antipathique. »« Oui, Marie, j'aimais seulement le fort que j'y avais fait construire, et je regrette de n'être pas mort derrière ces murailles. »« Je vous l'ai bien souvent répété, mon bien-aimé. Vous ne seriez pas mort seul. On eût trouvé mon cadavre près du vôtre, car je serais venue m'enfermer avec vous dans votre île et partager votre sort. »« Enfant !» s'écria La Fontenelle tout émue. « Non, tu ne serais pas morte, et jamais je n'eusse souffert que tu vinsses à Douarnenez. Tu m'aurais survécu pour répandre quelques larmes sur moi. Après le combat, mon corps aurait été jeté dans la baie et la mer, vois-tu, Marie, est une tombe sur laquelle on ne jette pas de fleurs. »« Pourquoi parler ici de mort, Guéder, et attrister Marie ?» dit Madame de Mézarnoux. « Certes, la destruction de votre fort est un chagrin pour vous, mais cependant, il pouvait vous arriver de plus grands malheurs que celui-là. » Qu'avez-vous d'ailleurs besoin de dignités et d'honneur? N'avez-vous pas en votre possession les châteaux de Croix des Landes, de Trébriand et de la Ville Dorée? Il me reste un bien autrement précieux, madame, interrompit chaleureusement La Fontenelle. C'est votre fille, c'est Marie qui, seule aujourd'hui, m'aide à supporter tous les maux et les peines de ce monde. La conversation en resta là pour ce jour. Le lendemain, Marie et sa mère apprirent la détention qu'avait subie La Fontenelle à Rennes, et cette nouvelle leur causa une bien vive douleur. Madame de Mézarnoux demeura extrêmement inquiète sur le sort à venir de son gendre, car elle connaissait les nombreux ennemis qu'ils s'étaient faits, et elle savait qu'ils avaient soif de vengeance. Ceux-ci, en effet, ne pouvaient comprendre comment un aussi grand coupable avait obtenu non seulement l'impunité, mais encore des dignités et des grades. Les craintes de la mère de Marie n'étaient que trop fondées. Depuis longtemps, le sol tremblait sous les pieds de La Fontenelle. On travaillait activement à la mine qui devait éclater bientôt et l'engloutir. De toutes parts, les parlements de Paris et de Rennes recevaient des plaintes à son sujet. Ses ennemis voulaient forcer à revenir sur son passé. Pour cela, ils employaient tous les moyens en leur pouvoir afin de le faire mettre en jugement. Les habitants de Pinmar, ceux de Pont-Croix et de plusieurs autres villes ruinées par lui, avait plusieurs fois demandé son arrestation et sa mise en accusation. Mais jusque-là, toujours leurs réclamations étaient demeurées sans résultat. La Fontenelle avait une entière connaissance de tout ce qui se passait. Il n'ignorait pas que la famille de la ville Rouault, qu'il avait si indignement flétrie, demandait à être vengée des atrocités de Pont-Croix. La démolition de son fort ne fit qu'augmenter ses cruelles appréhensions. Il craignait que le Béarnais, à force d'obsession, ne donnât enfin des ordres pour le faire arrêter. Mais lorsqu'il jetait les yeux sur les lettres d'abolition qui lui avaient été accordées, il ne pouvait croire que ces écrits, conçus dans les termes les plus paternels et les plus bienveillants, pussent cacher une arrière-pensée de vengeance tardive. Était-il raisonnable de présumer qu'un prince aussi loyal pût un jour revenir sur la parole qu'il avait donnée? Malgré la justesse de ses réflexions, La Fontenelle se sentait troublé et plein de mortelles inquiétudes. Il avait comme un secret pressentiment de ce qui se tramait contre lui. Toutefois, il gardait le silence, ne faisant part de ses craintes ni à Marie ni à Madame de Mézarnoux. Au contraire, presque toujours en leur présence, il feignait une gaieté qui était bien loin de son cœur.